Cinéphage, l'émission du son et des images. Bonjour et bienvenue dans ce Cinéphage numéro 235. Content de vous retrouver pour cette émission avec aujourd'hui Vincent et Lilian à mes côtés. Salut Alain. Salut Alain. Alors, comme c'est un petit peu la fin de l'année, on a décidé de vous faire un cadeau, car ce sera un spécial Jean-François Alain, le scénariste des OSS 117, et aussi un scénariste très connu, celui des Guignols de l'Info, qui avait répondu présent à l'appel d'une soirée culte du film OSS 117, Le Carnet d'Espions, qui était organisé par notre partenaire, les CGR Centre. Nous allons donc vous faire découvrir les coulisses de la saga grâce à l'interview organisée par donc notre partenaire de Tours à l'occasion de la projection du film et qui a été fait en Touraine, et comme souvent fait Mehdi, c'est-à-dire des soirées cultes. Et là, on avait carrément la chance, oui, d'avoir Jean-François Alain, le scénariste, qui nous a fait partager des anecdotes assez savoureuses et assez facétieuses, puisque, bon, vous imaginez, quelqu'un qui fait les textes des Guignols, c'est pas quelqu'un de triste. Alors, cette émission sera donc organisée autour de cette rencontre avec le facétieux Jean-François Alain, qui a répondu avec sympathie aux questions des spectateurs présents dans la salle, où Radioactive était présente par mon intermédiaire. Et donc, c'est pour ça que le son sera peut-être pas aussi bon que des fois, mais c'est un captage qu'on a fait en direct dans la salle et que les techniciens se sont chargés à Radioactive de faire partager pour avoir un son un peu correct. Et vous aurez un petit peu de temps en temps des rires ou des applaudissements, bah oui, c'est ça le direct. Je vous propose de commencer tout de suite par la première partie de l'interview à présent. Ce que tu expliquais, c'est que quand tu as écrit le scénario, il faut se remettre un petit peu quelques années en avant. C'était un gars et une fille. Jean-Luc Jardin était connu pour un gars et une fille. Et à ce moment-là, toi, tu le voyais comme un gars et une fille et tu t'es dit, bah, lui, il a une figure d'un peu de vieux. Oui, c'est-à-dire que les producteurs qui ont produit ce film, donc les frères Altmaier, Mandarin, avaient produit Brice de Nice. Mais le film est en train de se tourner, donc c'était pas un succès, ni rien, il est en train de se tourner. Ils m'ont dit, on travaille avec Jean-Luc Jardin, voilà, bon, qui était connu par cette série télé que moi je ne connaissais pas tellement. Et c'est l'époque où on pouvait louer des DVD. Donc, à côté de chez moi, à Paris, il y avait un truc qui s'appelait Vidéo Futur, je sais pas, ça paraît loin. Donc, je suis allé louer des DVD, et puis je voyais pas trop, et j'ai trouvé tout de suite qu'il avait une tête incroyable, parce qu'il était, c'était en 2003, je crois. Donc, il avait il avait 30 ans, et il avait une tête un peu mûre, et en même temps jeune, mais un peu sans âge, comme un acteur des années 50. Et puis, je trouvais que sa voix était très belle. Et je me suis mis à écrire pour lui. Parce que comme j'ai bossé longtemps en Guignol, quand j'écris, j'imite des voix. Voilà, ce qui peut être un peu ridicule, tout seul chez soi, de faire des voix tout seul, mais pour avoir un phrasé, et je me suis mis à parler un peu comme ça. Et puis j'ai donné le scénario au producteur, qui m'ont dit, mais tu l'as écrit pour Jean? Je dis, bah oui. Voilà. Et puis Jean l'a lu, ou même peut-être c'est Alexandra Lamy qui l'a donc connu peut-être à l'époque, ils étaient ensemble. Et puis Jean a dit oui tout de suite. Voilà. Mais ça a été écrit comme ça, un peu par hasard. Parce qu'il me fallait mettre un visage sur ce héros. Et c'est vrai, quand on le voit comme ça, là, c'est le film date de 2006, je crois, c'est ça? Oui. 2006. Donc Jean, il a 52 ans. Donc ça fait 2006, 18 ans. Donc il a 34, là. Et il peut paraître un peu plus vieux, enfin, un peu plus comme les acteurs des années 50. Puis il y a aussi la coiffure, le costume, tout ça. C'est comme ça que j'ai écrit pour Jean. Vas-y, Paul. Eh ben, du coup, ma question, c'est, parce que les gens ne savent peut-être pas, l'impulsion de ce personnage, de OSS 117, est-ce que c'était une demande qui t'a été faite avant, ou est-ce que c'est une idée qui vient de toi? Non. Donc OSS 117, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens dans la salle qui le savent, mais ce sont des livres des années 40 et 50, et ça date d'avant James Bond. Ouais. Et c'était des bouquins qui étaient ce qu'on appelle les romans de guerre, donc ce sont des livres d'espionnage, mais pas drôles. Pardon, c'est-à-dire que quand c'est raciste, c'est pas raciste pour être drôle ou pour dénoncer raciste, c'est vraiment raciste. C'est une vision de l'époque, c'est une écriture de l'époque. Et une époque où on voyageait moins, donc il y avait plein de missions partout, et ça s'est vendu, je pense pas dire de bêtises, à 70 millions d'exemplaires dans le monde. Donc John Kennedy l'a visé, Cocteau était fan de ça, et puis voilà, après il est mort assez jeune, l'auteur. Et quand il est mort, après il y a eu James Bond, et après il y a eu SAS, donc ça a été démodé. Il y a eu quelques films, il y a eu des gros succès, il y a eu 5 ou 6 films dans les années 50 et 60. Et puis, donc, les deux frères, Altmaier, ont acheté le nom, parce que eux voyaient leur père lire ça, ou ils trouvaient ça dans le grenier de leur père, et ils trouvaient que le nom sonnait. Et donc, moi, je n'avais jamais travaillé avec eux, ils m'ont dit, est-ce que ça te dit de faire un pastiche, et non pas une parodie? Alors, je pourrais vous expliquer si j'y arrive, parce que même moi, la nuance, un petit peu ténue, d'un film d'espionnage. Voilà, c'était ça la commande. Voilà. Et j'avais jamais lu OSS 117, et moi, ça m'amusait. Et donc, après, de ça, donc, j'ai commencé à lire un livre, mais j'ai arrêté parce que non pas que c'était pas bien, mais j'ai vu ce que je voulais faire avec ça, c'est-à-dire je voulais vraiment parler de la France, pas de la France de 56 comme dans le film, mais de la France de l'époque, de 2006, ou de 2009 pour celui d'après, ou de 2021 pour le troisième, à travers un film d'époque, et d'avoir un regard sur la France coloniale, sur l'attitude des Français vis-à-vis de ces pays en voie de développement, et je voulais parler de tout ça, je voulais parler de l'islam, et c'était un moyen, en faisant un film historique, enfin, d'époque, c'était un moyen d'en parler, d'une manière rigolote, et ce qui aurait pu être premier degré à l'époque, par exemple, il y a une scène que j'aime bien, c'est quand il fume le narguilé, là, et puis qu'il est vachement bien, je me ramène un truc comme ça, et qu'il commence à dire l'écriture à l'envers, si la France n'était pas là, je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui pensent ça, donc à cette époque-là, en 56, en 2006, en 2024, et donc j'ai eu envie de faire ça au Maghreb. Donc là, c'est pas tourné en Égypte parce qu'on peut pas tellement tourner en Égypte, c'est tourné au Maroc. Et il y a des gens qui parlent arabe dans la salle ou pas du tout. C'est de l'arabe marocain qu'on entend là. C'est pas de l'arabe égyptien. Et puis voilà, moi j'ai envie de cet exotisme-là, un côté un peu Tintin. Je trouve que ça ressemble un peu à Tintin. C'est-à-dire quand il se perd dans la Médina, quand il met des costumes d'un côté Dupont et Dupont. Bah, voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais c'était ça. Eh bien, nous allons faire une petite pause musicale avec Ludovic Bourse qui nous fait Bambino Fit avec Dujardin, OSS 117, Le Caire, Nid d'espion, donc la fameuse reprise assez rigolote de Dalida. عينيك بكاو قلبك حنين ملك حزين ما تجيكش النوم ملك اليوم وليك مخلوم راكبي الناس تمشي في شارع هواس وكل ليلة قدام بالحا تستنى حبيت وزوز يا البلبل وفي بالي راك تروم ديلولي وليك محبول مزيت تفز يا بعلول حبيت وزوز يا البلبل وفي بيري راك تنوم قالولي وليت محبول مزال تفز يا بحلول تلعب مزيان بلا ماندولين يا ولدي بومبينو موسيقى شعل بعينها وحلوه كيما ريحة النيل غني غني بصوت حنين يا ولدي بومبينو فهمني واش راك تتمنى لازم عيال يوم تنساها حبيت وزوز يا البلبل وفي بالي راك تنوم قالولي وليت محبول مازلت تفز يا الفعلول حبيت وزوز يا البلبل وفي بالي راك تنوم قالولي وليت محبول مازلت تفز يا الفعلول لازم تحبس مازلت صغير زنت ليا بركك مزوخ قيدك تمسخير وليت رجل وكيما كبر طير طربوش يا ابو حلي انت تحبها ما يجمل مكتوب حبيت وزوز يا البلبل وفي بالي راك تنوم قالولي وليت محبول مازلت تفز يا الفعلول حبيت وزوز يا البلبل وفي بالي راك تنوم قالولي وليت محبول مازلت تفز يا الفعلول تلعب مزيان بلا ماندولين يا ولدي بومبينو الموسيقى شعل بعينها وحلوه كيما ريحة النيل غني غني بصوت حنين يا ولدي بومبينو فهمي واش راك تتمنى لازم عيا اليوم تنساها حبيت وزوز يا البلبل وفي بالي راك تروم ديلولي وليت محبول من زك تفز يا البحلول حبيت وزوز يا البلبل وفي بالي راك تروم ديلولي وليت محبول من زك تفز يا البحلول حبيت وزوز يا البلبل وفي بالي راك تروم ديلولي وليت محبول من زك تفز يا البحلول. Eh bien, c'était le premier extrait. Bon, je pense que vous avez entendu cette musique, les gars, régulièrement, quand vous avez vu, et on était hors antenne en train d'en discuter. C'est vraiment un des moments excellents du premier OSS. Oh oui, complètement. Ça fait partie de ces films vus et revus et re-revus et re-revus. Et on prend toujours autant de plaisir à voir cette scène qui est absurde dans la mise en scène de cet espion qui s'approche pour essayer d'écouter, qui est l'éléphant au milieu de la pièce et qui arrive à s'en sortir en jouant cette musique. Il est plus doué honnêtement en tant que chauffeur de salle et en tant que musicien qu'espion pour moi. Ouais, je suis assez d'accord avec Vincent. C'est vraiment représentatif du film SS-117. Très absurde. Eh bien, je vous propose de continuer ce spécial Jean-François Alain et OSS-117 par un petit extrait encore de la conférence de presse qu'il nous avait donnée. On a eu beaucoup de mal à faire le film, ça c'est vrai. C'est-à-dire que beaucoup de gens, à commencer par les réalisateurs, les distributeurs, les chaînes de télé, vous voyez, je ne sais pas si on voit au générique, mais c'est M6 qui a produit le film avec Gaumont, et Canal+ l'a refusé, alors que moi j'ai quand même travaillé longtemps à Canal+, et c'est un peu de l'humour de Canal+, j'ai l'impression, et il y a beaucoup de distributeurs qui l'ont refusé, oui. Et beaucoup de chaînes de télé, beaucoup de réals. Enfin, on a essayé au moins 8 ou 9 réalisateurs avant d'arriver à Michel. C'est un projet un peu, comment dire, beaucoup de gens ne voyaient pas en quoi c'était drôle et à qui ça pouvait plaire. Et je me souviens même d'un distributeur. Donc, vous voyez ce que c'est qu'un distributeur, c'est, il y a les exploitantes. Là, ici, nous sommes dans une salle de cinéma, donc nous sommes chez un exploitant. Et les distributeurs, ce sont ceux qui, je crois que mon prédateur, je manque de compétences là-dedans. Enfin, Gaumont est distributeur, par exemple. Et il y en a un qui a dit, quand il a lu le scénario, il a dit, c'est même pas un film Canal+, c'est un film pour le personnel de Canal+. Voilà. Genre, c'est même pas parisien, c'est microcosme, mais encore plus parisien que parisien. Voilà. Ce qui est une discussion qu'on avait ensemble, avant qu'on réalise le film, c'est de... On parlait de télévision et on parlait de télévision de demande ou télévision d'offre. C'est-à-dire, est-ce qu'on donne aux gens ce qu'ils ont envie de voir ou est-ce qu'on fait quelque chose en se disant les gens pourront aimer ? C'est la grosse différence. Et ce film-là ne répond pas. Aujourd'hui, c'est un film que les gens aiment globalement. Il y a plein de gens qui n'aiment pas, hein, mais a priori, c'est un film un peu curieux. Et du coup, ça a été un succès. Moi, je me souviens quand on était en cours de récré, donc après avoir vu le film, c'est simple, le lendemain ou surlendemain, je sais pas trop, je regardais, on se disait bonjour, comment est votre blanquette ? On réutilisait directement en fait la réplique du film. J'étais tellement déçu parce que je lui ai déjà posé la question, comment on en vient à écrire des comment est votre blanquette ou comment sont vos harengs pommes à l'huile ? La réponse, elle est assez simple en fait. C'est que... Non, elle est nulle, la réponse. Hein. Oui. C'est que c'est ma mère qui me fait de la blanquette. Voilà. D'un seul coup, ça enlève la réplique culte, elle redescend bien. Quoi. C'est tout. Et le jokari, je vous l'ai raconté tout à l'heure, et le jokari, c'est parce que... Bon, c'est un peu débile hein, comme histoire, mais donc j'écris le scénario, et puis je dis pas ça, je cherche pas un compliment, je suis pas un grand scénariste, je pense que je suis pas mal en dialogue, mais en scénario, bon... Alors je structure ça d'une manière un peu, comment dire, empirique. J'ai besoin de scènes drôles pour construire un truc. Alors parfois, j'ai une scène drôle de fin, il faut qu'il y ait une heure et demie de film avant. C'est un peu compliqué, donc c'est un peu lent. Et puis j'écris la scène où il est avec l'Armina le long du canal, et puis il dit, mais mon père est mort là. Enfin, je sais pas, je l'ai pas vu depuis quelque temps le film, il dit, la construction, il fait, non, un accident de jokari. Bon. Et je sais pas pourquoi je trouve ça. Et ça me fait rire tout seul chez moi pendant je ne sais combien de temps. La réplique à l'accident de jokari me fait rire tout seul. Voilà. Donc après, j'ai construit tout le jokari avec les nazis qui jouent au jokari, juste parce que ça me fait rire de dire non, un accident de jokari. Ça aurait pu s'arrêter là, hein, ça aurait été une réplique violette. Voilà. Et pour terminer justement sur ces répliques, est-ce que tu. Moi, je me doute bien que tu n'écris pas en disant oh, ça va être culte. Ah bah non, c'est, c'est, ah. c'est l'inverse. Et comment, quand t'écris, on voit des tas de films qui sont écrits où les gens pensent qu'ils font un truc culte. On en voit des films ou des émissions drôles où les mecs tentent de faire des gimmicks en se disant ça va être repris. Mais tu sais jamais ce qui est repris. Je pense que les. Pardon de la comparaison, je pense pas que les bronzés, quand ils disent. Sur un malentendu, je pense pas qu'ils se disent ça va être une réplique culte. C'est juste que c'est le personnage, son physique, le moment où il le dit, la façon de le dire. Comme je sais pas si vous avez vu Mes meilleurs amis, quand Daroussin dit bah, il y a Jean-Mi, c'est bouffé la table de ping-pong. Donc c'est pas une réplique très. Et tu vois le film, c'est archi drôle. Hein. C'est un contexte. Tu penses jamais qu'une. Moi, ma règle, c'est qu'il faut que ça me fasse rire, moi. Voilà. Si ça me fait pas rire, là, c'est difficile. Mais par exemple, dans le 2, donc là, on a vu le 1, le 2, il rentre dans une ambassade allemande pour chercher une amicale ancienne nazie. Voilà. Alors, c'est très particulier parce que le 2. C'est très particulier. Et alors, parce qu'après, je pourrais tout à fait me justifier sur les nazis, hein, j'ai aucun problème. Mais sur la place des nazis dans la comédie. Mais le 2, je l'ai écrit avec Michel. Celui-ci, je l'ai écrit tout seul. Et le 2, alors Michel, c'est un bon auteur. Et bon, alors on me demande souvent si on rit sur les tournages de films de comédie. Pas tellement. On rit, mais c'est aussi sérieux qu'un vrai film. Le cinéma, ça coûte très très cher. Chaque minute perdue coûte très cher. Donc voilà, il faut bosser. Et puis c'est des textes qu'il faut savoir par cœur. Enfin, bon. Donc il y a des fous rires. Il y a le fameux fou rire des boules de Noël, si vous avez vu le 2, voilà, qui est un vrai fou rire. Mais avec Michel, quand on a écrit le 2, il y a des moments où on est dans une surenchère. Évidemment, on est dans une surenchère. Et puis en plus, pour pimenter le truc, le 2 parle vraiment beaucoup d'antisémitisme et de certaines phrases françaises, voire des phrases de De Gaulle qui étaient sur Israël un peu antisémites. Pas De Gaulle, mais cette phrase. Et Michel est juif. Voilà. Donc il y avait une partie, catharsis, voilà, cathartique. Et on est parti dans une surenchère. Là, moi, ça fait beaucoup rire de dire quand les nazis disent on est en 55, est-ce qu'on peut avoir une deuxième chance. Voilà, c'est une réplique qui me fait beaucoup, beaucoup, parce que la troupe est, impossible. C'est impossible à dire, c'est impossible à entendre, impossible à. Et blablabla. Après, avec Michel, dans le 2. On en parlait là avant de rentrer dans la salle, une de mes répliques préférées, c'est pour ceux qui ont vu le 2. Donc le Mossad demande à OSS 117 d'arrêter le nazi, et il lui dit pour qu'il paie pour ses crimes. Et OSS 117 fait qui sont ? Il va la Shoah. Ah oui, ça aussi, quelle histoire. Et ça, cette réplique-là, et c'est un point tel que je te racontais ça tout à l'heure, vous êtes là, Jackie, toujours ? Oui. Oui, beaucoup, Jackie. La maman d'une amie qui est là, enfin qui est une amie d'ailleurs. Et dans ma famille, quand on a. J'ai un fils qui a une vingtaine d'années, quand il y a un décès ou un truc grave qui se passe, mon fils, pour désamorcer tout, fait ah, oh, ça aussi, quelle histoire. C'est devenu. Mais parfois, c'est un peu raide. Hein, si on dit cousin un tel, il manque une jambe, ah, oh, ça aussi, quelle histoire. et voilà, c'est des. Et puis, tous les trucs, tout. Il faut quand même imaginer, je ne veux pas faire de pathos, mais Michel est juif d'origine lituanienne, une partie de sa famille est morte en camp, d'ailleurs il fait un dessin animé bientôt sur, qui je crois est formidable, sur la Shoah. Il faut quand même imaginer écrire ensemble, non, je ne crois pas que je vais confier de l'argent à un juif, moi je vais le reconnaître, les doigts crochus, tout ça. C'est quand même costaud, quoi. Voilà. Et c'est très costaud que les gens comprennent que c'est pas vrai, que c'est le deuxième degré, que c'est pas le héros qui pense ça, qu'on veut faire passer quelque chose. Et c'est en ça que je pense qu'il faut souvent faire plus confiance au public, aux gens en général, que ce qu'on ne fait. Voilà. Les gens sont pas. Quand on dit on peut plus rire de tout, je sais pas quoi, mais je ne pense pas du tout ça. Je pense qu'on a peur de pas rire de tout, mais il y a des tas de choses dont on peut rire. Moi j'ai présenté ce film il y a 3 ans au Maroc, il y avait des femmes voilées dans la salle. Et je peux vous assurer que sur le Mésine, mais elle pleurait vraiment beaucoup. Et que j'ai eu aucune question. Il y avait une salle, il y avait moins de monde que là, une cinquantaine. J'ai demandé aux gens si sincèrement il y avait des choses qui les choquaient, qui les fâchaient. Mais pas du tout. Pas du tout. Puisque c'est lui qui est idiot par rapport à cette religion-là. Donc c'est son regard à lui Eh bien, nous voici arrivés au second moment musical, toujours Ludovic Bourse avec le Speed Date Car, donc extrait de la BO du film OSS 117, Rio ne répond plus, donc le deuxième opus. Après cette musique très entraînante, très années 70, en effet, ce qu'on on discutait un petit peu en antenne, cette basse prédominante et puis ce rythme. Et puis Vincent, tu disais, ouais, à l'image, on peut le voir aussi. Dans le découpage, on voit très bien cette espèce de cliché des années 70 avec toutes les bulles qui apparaissent, le personnage démultiplié qui apparaît énormément de fois, et même le style vestimentaire ultra flashy, putain, tu peux régler ta télé cathodique avec. Franchement, ça, c'est bien fait parce que ça dégueule les années 70, c'est très bien fait. Et puis la scène de la plage aussi où il fume des pets, là, c'est assez extraordinaire. On voit dans quel état il se retrouve à la fin, c'est assez. Oh non, ça me fait rien du tout, mais non, pas du tout. Eh bien, nous allons passer maintenant à la troisième partie où Jean-François Alain continue à nous expliquer le tournage, les tournages même des OSS 117 et les différentes interactions qu'il peut y avoir avec les réalisateurs, les acteurs, enfin un peu tout quoi. Mais non, il faudrait que j'arrive parce que je prépare une autre série là en ce moment, je suis en train de l'écrire et qui se passe en 1965, donc il faudrait que j'arrête. C'est-à-dire que j'ai fait une série pour Arte qui se passe en 59 et 61, je crois. Alors c'est très pratique parce qu'il n'y a pas de portable. Et c'est très pratique parce que ça ne démode pas. Voilà, il n'y a pas de portable, c'est très chiant. Parce que le nombre de films que vous pouvez revoir aujourd'hui en disant bah, s'il y avait un portable, il serait résolu. Je me souviens, il y a un bouquin que j'ai lu il n'y a pas longtemps, je me suis dit, mais le bouquin, je ne pouvais pas le lire, un grand auteur, mais je ne pouvais pas le lire parce que le truc se résolvait avec un portable. Hein. Et parce que je trouve que c'est. J'utilise les codes de films qu'on a déjà vus, Donc les films d'espionnage, on en a tous vu, des James Bond, ou même d'autres films. Et on sait toujours qu'il y a des, principalement des films pas trop trop bons. Les premiers James Bond, c'est pas des très grands films, c'est Sean Connery qui est super. Et puis James Bond Girl, et puis voilà, la musique, tout ça, mais c'est pas des grands films. Et il y a des archétypes, il y a une sorte d'exotisme, de pacotille. Dans le cinéma américain, si on est à Istanbul, par exemple, on a un Fès ou un Tarbouche. On va prendre un Égyptien pour jouer un Iranien, peu importe, il a un peu un accent, ou même un Français pour jouer un Marocain. Moi, j'aime bien ces trucs-là. Et puis, surtout, on va dans tous les pays qui parlent anglais. C'est ça qui est fantastique. Donc, j'aime bien jouer avec ces codes-là, j'aime bien jouer avec... on a tous vu des scènes où les espions s'échangent des phrases qui ne veulent rien dire, avec un air pénétré, comme si ça voulait dire quelque chose. Et puis là, il y a... l'acteur belge, François Damiens, dont c'est le premier rôle d'ailleurs. Quand il dit on va boire un godet, il décode tout le truc, il casse tout le truc. Et c'est pour ça les films d'époque, j'avais essayé de faire un film de KPDP qui est un énorme bide, mais c'était le même principe. C'est-à-dire que dans les films de KPDP, quand on regarde les films des années 50 avec Jean Marais ou les films américains d'avant, ce que je vous racontais tout à l'heure, parfois il y a quelqu'un qui sort une blague mais qui n'est pas drôle. Et il dit, je sais pas, Robin des Bois va dire, ah, il est temps que t'arrives. Et tout le monde met les mains sur les hanches et rigole pendant 2 heures. Et on sait pas pourquoi. C'est aussi pour ça que le genre rigole comme ça. C'est-à-dire, il sort des trucs, il rigole, et on se dit, mais pourquoi il rigole? Et quand il voit Plantieux, son vieux pote, là, quand il voit, alors, toujours de glace, oui, toujours de glace, et il rigole, et on ne sait même pas de quoi il rit. Et je pense qu'il ne sait même pas de quoi il rit. Et c'est pour ça que faire des films d'époque ou de genre, c'est. On fait appel à ce que les gens, on rigole avec les souvenirs des gens de ces films-là. Et puis, c'est... Je sais pas comment dire, c'est un moyen de parler d'aujourd'hui sans être trop lourd. Voilà. Après, ça suppose quand même une certaine culture cinématographique. Enfin, quand t'es habitué au James Bond, par exemple, de l'époque des années 60, que tu vois celui-là en particulier, c'est du bonbon, quoi. Parce que dans le montage, dans la réalisation, dans la manière dont lui, il joue, on dirait vraiment un Sean Connery, un Sean Connery à la française. Ça suppose d'avoir ce bagage-là, quand même. Enfin, tu peux perdre une partie du film si t'as... Mais ça suppose la collaboration, l'entente réalisateur-scénariste. C'est-à-dire que le film était écrit comme ça. Et je t'ai promis que je te parlerai de la réplique, qu'il aime beaucoup, Jérémy, la réplique... Il n'est pas seulement un âge, mais aussi un trêve, comme ta petite taille, il essaie de supposer. Quoi. Et je lui dis, elle a une histoire, cette réplique, je te raconte après. Donc, pour donner le style du film, ce qu'on appelle les didascalies, ça, c'est les descriptions. Alors là, il parle avec un micro devant 70 personnes dans une salle de cinéma, voilà, on sait où je suis. Bon. Donc, moi, je m'amusais dans les didascalies à mettre vif comme l'éclair, ou souple comme un tigre. Bon. Et tu ne peux rien dire, les producteurs disent, arrête avec ça. Je dis, mais non, mais c'est pour montrer le style. C'est pour montrer le style un peu vieillot, un peu. Donc, ça. Réaliser d'une façon qui n'est pas en accord avec cette écriture-là, ça ne marche pas. Et Michel est quelqu'un que j'ai connu à Canal+, et qui a fait La Classe américaine, qui est devenue un truc culte, mais qui a fait des pubs aussi, très très bonnes pubs, et qui a un sens, qui est un formaliste. Et donc, quand je lui... Ce n'était pas du tout lui qui devait le réaliser, mais quand je lui apporte des scénarios en disant « J'aimerais bien que ce soit toi, on a tout fait pour qu'il le fasse », et lui, il s'est évidemment amusé, il m'a dit, mais la bagarre, je vais la faire années 50, cette bagarre, elle est interminable. La bagarre, elle est interminable, c'est pas des bagarres d'aujourd'hui. Elle est super longue. Et puis quand il y a un moment donné, il y a un plan, quand les, dans la pyramide, ce qui est complètement débile, quand il y a les nazis, il se retourne, la musique fait tadam, et il est comme ça. Et le plan est filmé de super loin, comme dans les films de l'époque. Puis il y a aussi ce fameux plan où il est tout décoiffé, on se recoiffe, on passe de côté, passe derrière le mur, ce qui n'existe quand même pas. On ne peut pas passer comme ça, ça n'existe pas. C'est des vieux films, ça. Donc il y a plein de trucs comme ça. Là, il y a eu un accord entre l'écriture et la réalisation. C'est, je trouve, après, là, je ne parle pas de mon travail, je parle du travail de Michel, je trouve que c'est un film qui est beau. Enfin, c'est beau, les décors sont beaux. Le casting, parce qu'aujourd'hui, Bérénice est devenue une grande vedette, mais ça n'était pas à l'époque. Et vous voyez tous les seconds rôles, Damien s'il est connu, mais il n'était pas du tout à l'époque. C'est pour ça qu'Eric et Ramzy sont au générique de fin. C'est que c'est Eric et Ramzy qu'on parle à Michel, on dit ouais, il y a un Belge qui fait des caméras cachées en Belgique, qui est super drôle, vous devrez le voir. Enfin, c'est pour ça qu'Eric et Ramzy. Voilà. Et François Rambouille s'appelait, je crois. Qui était extrêmement gênante, hein, quand même, ces caméras. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est. Il a son rôle dans le film, c'est ça. Ah, mais encore aujourd'hui, c'est extrêmement gênant ce qu'il fait. Et encore aujourd'hui, voir ce qu'il faisait il y a 15 ans ou 20 ans, c'est très gênant. Et ce qui fait aussi, pour moi, la beauté du film, c'est qu'il y a beaucoup de comédiens qu'on ne connaît pas, et qui sont tous très bons, et qu'on n'associe pas à des rôles, on les a jamais vus, et qui sont tous traités avec un mystère et une aura d'agents secrets. Enfin, ça fait partie de la... Je trouve que le film, formellement, est vraiment très joli. Et j'aime beaucoup les maquettes, par exemple, les maquettes de l'avion au départ. C'est très joli, Vous avez vu qu'il y a ce qu'on appelle des nuits américaines. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une nuit américaine, c'est-à-dire, tourner de nuit, ça coûte cher, parce que il faut payer les techniciens plus cher, et tout ça. Et puis, le lendemain, on récupère, c'est tout... convention sociale, et ce qui est normal. Donc si tu fais une nuit américaine, on met un filtre, on fait semblant que c'est la nuit, ce qu'on voit dans les westerns avec John Wayne. Et on voit bien que c'est pas la nuit. Donc tout ce qui est en Médina, là, par exemple, c'est pas la nuit, c'est en plein jour, et on met un filtre bleu pour faire la nuit. Et on l'a fait exprès, parce que c'est joli, parce que ça fait vieux, parce que ça fait... Il y a des transparences aussi. Donc transparence, c'est-à-dire qu'on filme pas dans le vrai décor, on filme sur un... C'est ridicule. La voiture est à l'arrêt, le volant tombe dans tous les sens. Et vous remarquez que dans tous les films, les cheveux partent en arrière, comme ça, pour un décapotable. Je ne sais pas si vous avez déjà roulé un décapotable, l'air, il vient derrière, normalement. Comme ça. Bon, bref. Donc, on fait tourner les trucs derrière. Tout ça, c'est des volontés. Dans les films d'Hitchcock, il y a beaucoup de transparence. Et c'est une volonté de retrouver cette esthétique-là. Et maintenant, nous allons passer au coup de cœur vidéo. Alors, mon coup de cœur vidéo, c'est OSS 117 prend des vacances. Donc, un film français réalisé par Pierre Calfon, qui est sorti le 4 février 70. Alors, c'est l'histoire d'un groupe fasciste qui décide d'éliminer toute la population de Cuba. Et OSS 117, joué par Luc Miranda, se voit contraint d'ajourner la période de repos qu'il devait s'octroyer. Pas de vacances pour OSS 117, donc. Eh bien, ce film est le... disons, le dernier qui avait été fait avant tout ce qui a été fait après la saga que Jean-François Alain a scénarisé. Et on verra qu'il y a eu André Hunebelle a adapté de nombreuses fois. Moi, je connais plus ces films-là, cette série de films-là, que le film dont on vient de vous parler. Je sais pas pour vous, les gars, si c'est pareil. Je t'avoue que j'ai d'abord... comme toute une partie de la France, je pense, d'abord découvert la saga avec Azanavicius, et pas grand monde avait entendu parler des anciens OSS 117 qui étaient un petit peu tombés dans l'oubli. Ouais, mais ils passaient régulièrement à la télé, c'est pour ça que moi j'ai eu la chance de les voir régulièrement. Ça passait assez régulièrement sur M6 ou même les autres chaînes à une époque. Souvent, c'est quand il y avait des James Bond qui venaient, donc ça revient un petit peu à la mode de mettre des films d'espions, donc on avait des chances, et puis on peut les trouver assez facilement. Ensuite, eh bien, le coup de cœur rétro. Alors là, on va vraiment au début de la saga OSS 117, c'est OSS 117 n'est pas mort, donc un film français réalisé par Jean Sacha, et qui est sorti, lui, en janvier 57. Donc bien avant James Bond contre Dr No, et bien avant la saga des James Bond. Donc bien, il s'agit de la première adaptation cinématographique qui met en scène OSS 117, le héros de Jean Bruce, qui est l'écrivain qui a créé la série des OSS 117. Et c'est Jean Desny qui joue le rôle d'OSS 117, et Sir Antonini est bien ennuyé en constatant la disparition mystérieuse de certains des documents les plus importants, et OSS 117 est bien sûr appelé à la rescousse. Internationalement, OSS 117 est capable, comme James Bond, de collaborer avec tous les services contre tous les méchants. Donc là, c'était beaucoup plus sérieux que les versions qui ont été scénarisées par Jean-François Alain et réalisées par Azanavicius et Bedos après. Voilà, c'était. J'avoue que je n'ai pas vu ce film-là. Il me tarde de le voir parce que moi, j'en suis resté, comme je disais tout à l'heure, au saga avec Hunebelle. Après la saga d'Azanavicius, et puis les premiers et le milieu, j'avoue, je ne les ai pas vus. Coup de cœur news. Eh bien, aujourd'hui, pour les news, après The Whale, en 2022, Darren Aronofsky a visiblement eu envie de s'amuser un peu. Il plonge tête la première dans le chaos brutal de New York des années 90 avec Pris au piège, Cause Stealing en version originale, un retour coup de poing pour le réalisateur culte de Requiem for a Dream, qui amène Austin Butler, sorti de son costume de King dans Elvis, dans une dégringolade urbaine survitaminée. Il incarne Hank Thompson, un ex-joueur de baseball, qui se retrouve pris dans une spirale criminelle. Il va se faire piéger par un pote anglais incarné par un Matt Smith, très loin de son look de Targaryen de Westeros. C'est pas le même univers que Game of Thrones. et le voilà désormais donc traqué par tous les gangs de la ville, des Russes aux Hébreux, pour une montagne de dollars au son des Clash. La vidéo nous promet un film punk et déjanté. Ça m'attire bien, moi, ce genre de film. Ça me rappelle un peu New York 1997 ou des films comme ça avec un univers assez péchu. En plus, les Clash comme musique, il y a pire comme musique punk. Hein. Donc, moi, ça me branche un peu. Je sais pas pour vous. J'irai voir ça. J'avais pas entendu parler. Alors moi, ouais, ça m'intéresse carrément. Surtout que c'est réalisé donc par. Enfin, c'est le même qui a réalisé Requiem for a Dream, donc ce qui est quand même une bonne référence. Mmh. Ouais, donc, puis en plus de le voir dans un autre domaine, parce que c'est vrai que c'est quelqu'un qui un petit peu touche à tous. Moi, ce que j'aime bien chez un réalisateur, c'est quand il prend des risques. Mmh. Faire que des comédies ou que des polars, bon, si c'est hyper bien fait, ça va, mais je pense surtout aux comédies où il y a des acteurs ou des réalisateurs qui se cantonnent à faire la même chose, et donc au bout d'un moment, bon, moi... Je passerai à Danny Boone, Christian Clavier, voilà. C'est, voilà, malheureusement, on les voit très rarement des films dramatiques où ils pourraient être bons. Hein. On prend des gens comme Bourvil ou Fernandel était capable de faire de l'humour et puis. Ou même plus récemment, je prends Kad Merad ou Kad, ouais. Michael Youn qui avait tenté avec le film Héros, ouais. Il s'en était bien sorti également. Oui, oui, donc moi j'aime bien quand les gens se mettent un petit peu en danger. Et après, ça marche ou ça marche pas, mais au moins, ils ont. Essayer de faire autre chose. Eh bien, je vous propose de continuer par un extrait de la conférence de presse de Jean-François Alain à propos de OSS 117 en général, puisqu'il a quand même participé à la scénarisation des trois derniers de la saga, et il va encore nous donner quelques petites anecdotes croustillantes. Les deux premiers films, ouais. Le gars, c'est un héros. On adore le voir gagner à la fin. Il a beau être trop du cul, il a beau être adreuse, il a beau être machin, tout ça. Il s'excuse pas d'être ce qu'il est. Et on kiffe le voir gagner à la fin. Pourquoi on ne ressent pas ça dans le 3? Oui, je suis bien d'accord. Pour moi, OSS 117, c'est un imbécile génial. Donc il dit des choses hyper choquantes. Il est macho, il est même plus que macho, il est misogyne. Il est raciste, colonialiste, xénophobe. L'empire colonial, quand même. Il n'a aucune vision de l'avenir. Il dit que l'islam, ça ne l'aura pas. Il est vraiment bon. Et à connaître, il est génial. Il joue du loup dans 3 secondes. Il sait parler en arabe comme ça. Il parle en arabe comme ça. Il déchiffre les hiéroglyphes, quand même. Bon. Et moi, c'est ça que j'aime. Et je veux qu'il gagne à chaque fois. Et qu'à chaque fois, c'est notre héros. Quoi. Donc, je suis d'accord avec ça. Pour des tas de raisons qui ne sont pas particulièrement intéressantes à partager, Michel n'a pas fait le 3. Il y avait une volonté de faire un troisième film depuis longtemps, notamment de la part du public, mais il fallait qu'on ait une bonne histoire. Et on attendait, je pense moi qu'on a attendu trop longtemps, parce que les deux sont devenus entre-temps des films que les gens se sont repassés. Et les gens qui ont 20 ans, ils ne les ont pas vus au cinéma, mais ils les ont vus en best-of YouTube, donc on a vu des trucs de 6-7 minutes où il n'y a que des répliques. On trouve ça hyper drôle. Donc après, on arrive en 2021, donc 12 ans après, avec un film, et un film, il y a des moments faibles. Là, il y a des moments faibles, dans celui-là, pile en faux. Je pense même, je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense même que le 2 est plus drôle que le premier, mais je préfère le premier. Pour une question d'atmosphère, et on est vraiment dans le pays, alors que dans le 2, on est moins dans le pays, et un peu plus burlesque. Après, c'est mon avis. Un peu plus, justement, parodie. Et je pense qu'on a trop attendu. Et puis... C'était très piégeux de le faire, c'est-à-dire que si on faisait 50-60, on nous disait qu'on fait la même chose. Et comme on n'a pas fait la même chose, on nous dit que vous n'avez pas fait 50-60. Donc déjà, il y avait un truc pas très simple. Et puis après, le scénariste, je ne me dégage pas de quoi que ce soit, le scénariste après confie son scénario à un réalisateur, et puis le réalisateur, ça devient son film. Et je pense que Nicolas Bedos a bien réalisé, mais il y a des choses que moi je n'aurais pas faites. Et je peux donner deux arguments qui peuvent peut-être justifier ou expliquer ce que tu dis. Pas justifier, expliquer. Je trouve que pour ceux qui ont vu le 3, je trouve que Pierre Niney joue trop haut. C'est-à-dire qu'il est trop haut, donc il rabaisse notre héros. Et c'était pas prévu comme ça. Il est trop haut. Voilà, il sert à ça d'ailleurs. Il sert à ça. Oui, mais il est trop haut, il demande des bagarres. Il n'y avait pas vraiment ça avant. Et le truc que moi je n'aime pas, je vous le dis très sincèrement, moi j'aimais beaucoup la scène du crocodile. Alors la scène du crocodile, OSS 1001 commence à critiquer 117, et non, on ne peut pas critiquer OSS 117, donc il y a un crocodile qui arrive et qui le bouffe. Et pour moi, c'était, c'était vous, les spectateurs, qui disaient ferme ta gueule, laisse notre héros tranquille. C'était, ouais, c'est lui, c'était ça, moi, le. Et après, il y a eu bah, là, c'est les aléas du tournage, les comédiens qui improvisent, le réalisateur qui veut écrire, machin. Et dans toute la tirade, après, on se moque de SS-117, comment il rigole, comment il tire, comment il. Et on tue le personnage. On le... Voilà, c'est des débuts d'explication. Après, il y a peut-être un problème aussi dans l'écriture. Je sais pas, ça, moi je vais pas, je manque de recul, mais c'est un début d'explication. Voilà. C'est que comme c'est un film qui a été écrit à une époque quand même assez différente, comme tu dis, c'est tardif, il s'est passé plein de trucs en fait entre les deux premiers et le 3. Il arrive après Me Too, il arrive après plein de réflexions sociales en fait qui n'étaient pas encore vraiment, qui n'étaient même pas du tout là, pas du tout là. À l'époque. Et du coup, je me demande, parce que tu l'as dit tout à l'heure en début de cet entretien, c'est des films qui parlent avant tout d'aujourd'hui. Ouais. Des films qui partent de notre époque. Cette espèce de moment où on sent qu'il se débat, enfin, pas lui, le personnage, mais le film, le scénario se débat un peu avec la question, notamment Me Too, machin, tout ça. Ça vient de toi, à l'écriture, au départ? Non, alors voilà, par exemple, voilà une scène que moi je trouvais très drôle parce que j'aime bien les blagues qui choquent. Enfin, qui choquent, mais qui gênent, enfin, je sais pas comment dire. Bon. Et moi je trouvais très drôle que SS-117 arrive au bureau en mettant une main aux fesses à toutes les femmes. Et que les femmes soient contentes. C'est pas pour, c'est pas une, dans ma tête, c'est pas me moquer de Me Too, pas du tout. C'est juste dire, bah, c'était comme ça à cette époque-là, et les femmes n'avaient pas d'autre choix. Celles qui ne souriaient pas quand les mettaient de main en fait, c'était la pauvre, comme on disait, mal baisée, ou je sais pas quoi. Le but de la scène, c'est ça. Et moi, je persiste à penser que c'est rigolo, et que c'est choquant, et qu'on se dit, bah oui, c'est l'époque, c'était comme ça, mais est-elle encore complètement différente? Oui, mais pas à fond. Bon, bah, après, il a été rajouté la réplique « Me Too ». Voilà. Il y a une Anglaise qui lui dit quelque chose, il lui répond « Me Too », et moi, je déplore totalement cette réplique. Pardon, voilà. Parce qu'elle nous balance dans le présent, alors que c'est l'inverse. La scène doit parler du présent sans en parler. Et chacun se dit « homme-femme », regarde ça en disant « ah ouais, c'est vrai que c'était un peu comme ça quand même à l'époque, mais d'un autre côté, est-ce que c'est pas encore un peu comme ça par moment et les femmes, pourquoi elles sourient ?» Enfin, on se pose des questions, puis on rigole, mais on se pose quand même des questions. Là, on apporte une réponse qui est très ambiguë. Pourquoi on dit Me Too? Est-ce qu'on fout la gueule de Me Too? Est-ce qu'on veut dire que Me Too, c'est nul? Est-ce qu'on... C'est pas clair et ça clôt une scène d'une façon très curieuse. Est-ce que ça répond à... Oui, oui, tout à fait. Et il y a de très bonnes vannes quand même. Enfin, je veux dire qu'on se le dise. Ah oui, non, mais non, bien sûr. Moi, il y a des trucs, il y a plein de choses que je trouve vraiment bien. Je trouve déjà Jean formidable. Je trouve... comment ça s'appelle-t-elle Alors, on dit Lidinger, mais tout le monde l'appelle un ingé. Natacha, un ingé, je la trouve super. Je trouve qu'il y a, toute une... À un moment donné, SS-117 se relâche enfin et sort une diatribe raciste sur l'Afrique qui m'a fait beaucoup rire. Quand il dit, voilà, qu'est-ce qu'on est venu vous embêter que... Quand il... Enfin, en gros, il explique que la colonie a fait que du mal à l'Afrique. Il dit, vous étiez tranquille, tout nu, vous aviez faim, vous mangez une girafe ou un voisin. Et c'est horrible. Juste parce qu'il a fait l'amour avec une Africaine, il se dit, bon, ça, maintenant, on se comprend. Qu'est-ce qu'on est venu vous embêter, voilà. Et moi, écrire, vous mangez une girafe ou un voisin, ça me fait rire. Évidemment que je ne pense absolument pas ça, mais je parle à un public qui sait ce qu'on veut dire. Ouais. Eh bien, nous arrivons au troisième morceau musical, et cette fois-ci, bien sûr, bah, j'ai pris l'opus numéro 3, où il se retrouve en Afrique, puisque c'est Africa with Love, donc petit cliché à From Russia with Love de James Bond, et c'est tiré donc du film OSS-117, Alerte rouge en Afrique noire. Look. Eh bien, après avoir écouté cette bande originale OSS numéro 3, on pourrait dire, on parlait un petit peu entre nous du ressenti qu'on avait eu de ce film. Et je disais à mes camarades que moi j'avais moins aimé le 3, un peu comme Jean-François Alain qui nous le dit dans les interviews. J'ai trouvé que c'est un petit peu trop policé pour moi. J'aime mieux l'humour de Jean-François Alain, l'humour des Guignols, où on est assez irrespectueux, mais on se censure pas. Alors que là, Bedos, c'est un humour un peu plus policé, un peu plus consensuel, avec ce qui se passe. On regarde un peu si ça va pas gêner un tel ou un tel. On infantilise pour moi un petit peu les enfants aussi, les enfants, les spectateurs comme des enfants, et c'est ça qui m'a gêné un petit peu, et moi je rigole plus à l'humour de Dujardin un peu beauf qui arrive à dire des choses intéressantes, parce qu'on comprend le premier degré et le second degré, que Bedos, ouais, c'est policé, on est vraiment dans l'ambiance Me Too et compagnie, où on peut plus rien dire sur n'importe quoi, sans être attaqué. Les réseaux sociaux ont pris un petit peu le pas, on s'auto-censure, et moi, j'aime pas trop ça. Je sais pas pour vous, les gars. Surtout que dans les deux premiers, il y avait le fait qu'ils reprenaient exactement tous ces clichés de l'espion misogyne, raciste, antisémite, etc., mais c'était tourné en dérision, en mode soyez pas comme lui, soyez pas bête. Voilà, soyez pas le con. Soyez pas le con, alors que là, c'est vrai que c'est un petit peu trop mis en exergue cette confrontation-là entre lui qui vit dans une époque, une espèce d'époque fantasmée qui était foncièrement mauvaise avec tous ses clichés, mais là, c'est sous-entendu en mode regardez, c'est pas bien. Moi, je suis assez d'accord avec vous. C'est aussi le OSS que j'aime le moins. Mais moi, c'est surtout, je trouve, en fait, on retrouve pas tant la patte que ça d'OSS 117 qui faisait que ça marchait avant. Et oui, comme je suis d'accord, c'est assez policé. Et puis, il y a la scène du crocodile qui est très très marrante pour le coup. Mais sinon, j'ai pas autant rigolé que sur les deux premiers. Voilà, c'est vrai un petit peu ce qui était ressenti d'ailleurs dans la salle quand on discutait un petit peu avec les gens après la projection du film. Et pendant, c'est vrai qu'on rit beaucoup plus dans les premiers et seconds opus, et qu'après, on se marre quand même. Pierre Niney est un bon acteur, mais il cabotine, je trouve, un petit peu. Et je trouve que c'est compliqué, dans un film OSS 117, de mettre deux grosses têtes d'affiche. Ouais. Parce que Pierre Niney, effectivement, très bon acteur, mais il a peut-être tendance à, malheureusement, dans la création du film et dans le processus de création, on lui a peut-être donné un peu trop de place à son personnage. Ouais, je suis assez d'accord. Eh bien, je vous propose de terminer ce spécial OSS 117 et Jean-François Alain, son scénariste, par un dernier extrait, et on verra qu'il a encore plein de choses à nous dire et nous faire découvrir. Pourquoi René Coty, De Gaulle, parce que c'est ridicule. C'est-à-dire que c'est un film qui se passe en 56, c'est quand même pas archi... c'est vieux, mais c'est pas... Et je ne savais même pas qui était, bon, je sais qu'il n'y avait pas de président de la République en 56, mais je me dis, mais il y avait qui avant De Gaulle, voilà. Et je vois René Coty. Ah bah oui, René Coty, bon. Mais bon, ce nom, j'étais à l'école, mais bon, voilà. Et je vois des photos, et vous avez vu sur l'affiche tout à l'heure qu'il a gagné, je ne sais plus, quelqu'un qui parle là-bas, la photo, il y a quand même une redingote, parce que les présidents de la République avaient des redingotes jusqu'à De Gaulle. Et c'est un autre temps. Et le nom René Coty fait penser à Tournicoty, je ne sais pas, le nom fait rire. Et donc, après... qu'il offre des trucs de René Coty, ça me faisait rien. C'est juste ça. C'est juste ça. Il n'y a pas d'autre. C'est comme Jokari, il n'y a pas d'autre raison. Hein. Il n'y a aucune raison. C'est, quand je vois René Coty, je vois des photos. Parce que là, la photo que, sur le poster, il a peut-être qu'il a 38 ans. Ou 43. Et, je vois ce vieux monsieur président du Conseil. Déjà, président du Conseil, ça paraît tellement vieux. Et voilà, c'est une autre figure. Donc, ça m'amusait de le traiter un peu comme Atatürk ou comme Nasser. Ou, voilà, comme un guide. Bah, De Gaulle, c'est tout et n'importe quoi. Je sais pas si des personnes ont vu la série que j'ai faite sur, enfin, que j'ai fait avec d'autres auteurs, hein, sur Arte, sur le Salut de la France, qui est un peu dans le même style, un peu plus raide peut-être. Si vous avez aimé ça, vraiment, faut regarder ça. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui dit bon, est-ce qu'on peut arrêter de faire dire n'importe quoi, Général De Gaulle? Et c'est vrai que vous remarquerez un peut-être un peu moins maintenant, mais non, non, si, si. Oui, il y a 2-3 ans. Ouais. Bah, même dans les dernières élections, il y avait oui. Aussi. Bah, le général, quand François Fillon avait dit à propos de Chibuki, est-ce qu'on imagine le général candidat en étant mis en examen? Bah, des choses comme ça, on fait dire n'importe quoi. Comme dirait le général De Gaulle, je sais pas, la saison 3 de Lost est moins bien. Enfin, tu vois, ça devient débile. Et ça me faisait tellement rire que. Voilà, dans le monde aujourd'hui, à propos de l'élection de Trump, il parle de De Gaulle. De Gaulle avait prédit que, machin, faut nous lâcher avec De Gaulle. Voilà. Et je pense que c'est De Gaulle depuis tout le temps. Le général a dit, les Français sont des héros, le général machin, on en parle tout le temps. Donc c'est juste cette espèce d'obsession. Et il ne faut quand même pas oublier qu'il a été viré par référendum, quand même. On a l'impression que c'est un homme que tout le monde adulait. Mais... Voilà. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est drôle d'en parler d'une façon un peu plus mitigée, quoi. Voilà, plus rigolote. La petite taille, et puis après je... Alors la petite taille. Donc je vous ai expliqué ce qu'était Didascalie, les descriptions pour les scènes, et moi je m'amusais à écrire Didascalie, c'est vraiment... Puis à un moment donné, donc il y a l'Octar, qui est donc un traître, le masseur, et je mets dans les descriptions, donc OSS, voilà, le truc se lève. Alors je m'amuse toujours à mettre des trucs, quand il y a de l'action, les diascalies sont plus rapides, les phrases sont courtes, et quand c'est une installation, les phrases sont plus longues. Je trouve que pour la lecture, c'est plus amusant, bon, ouais, les types de scénaristes. Et donc, il arrive et il découvre que l'Octar est en costume nazi. Bon, ce qui me fait déjà beaucoup rire, mais bon, là. Au début, dans le scénario même, ça je ne l'ai pas dit, il disait « pardon » en allemand. Parce que le nazi lui dit « apprends l'allemand depuis le temps que je te le dis ». Et il disait « pardon » en allemand. Je ne sais pas s'il y a des gens qui parlent allemand ici, mais... Et j'imaginais avec l'accent arabe, ça donnait « Entschuldigung ». Et ça faisait pouf qu'ils disent « Entschuldigung ». Bon, ça, je l'ai enlevé. Mais dans la description, je mets donc... C'est... ouais, l'Octar. L'Octar n'était donc pas seulement un traître, mais aussi un lâche, comme sa petite taille le laissait deviner. Bon. Et je mets ça dans la description, parce que ça me fait vraiment beaucoup rire. Et c'est Michel qui lit le scénario, il me dit « mais t'es malade, c'est un dialogue ça ». Puis ah bon, je dis « non mais c'est juste, j'ai juste... » En réalité, je mettais ça pour faire chier un peu les producteurs, parce qu'ils disaient « faut en mettre moins », donc j'en mettais de plus en plus. Faut être très clair. Et je l'appelle OSS 117, l'agent d'élite, ou l'homme fort des services. Je dis « non mais arrête, il y a quelques trucs, j'en mettais des caisses pour... un peu pour les taquiner, quoi ». Et c'est Michel qui me dit « mais c'est un dialogue ça ». Je dis « ouais, c'est vrai que la phrase est drôle, voilà, c'est comme ça que c'est devenu un dialogue ». Au début, c'est une description. Eh bien, maintenant, nous allons passer aux avant-premières et événements qui se situent dans notre région. Donc, il y a Dan Dadan, donc Evil Eye. Alors ça sera le samedi 7 juin à 16h au CGR Centre. Vous découvrirez les premiers épisodes de la saison 2 du nouveau mystère, toujours plus de chaos et un style visuel qui claque. Donc, je ne connais pas personnellement Dan Dadan, les gars. C'est un animé. C'est un animé, ça je m'en doutais, mais j'avoue que je ne connais pas. Bah, j'avoue que je suis curieux. C'est dans un espèce d'univers qui est... En gros, c'est l'histoire de deux personnages, un gars et une fille. Elle croit aux esprits, lui croit aux extraterrestres. Seulement, tous les deux ne croient pas... Lui ne croit pas aux esprits et elle ne croit pas aux extraterrestres. Donc ça se croise. En fait, les deux existent et c'est leurs aventures pour lutter contre ces forces démoniaques. D'accord. Alors, tu m'as fait peur. Un gars, une fille, je croyais que tu allais nous parler du jardin. Non, du jardin n'est pas dedans. Ce sont des adolescents. Là. Eh bien, on reste toujours dans les avant-premières avec Dragon. Donc ça sera le dimanche 8 à 10h45 en version française et à 13h30 aussi en version française et 15h30 en version française. Donc c'est l'adaptation de l'animé. Oui, c'est ce que j'allais demander là, c'est le live action. C'est le live action en effet du film de la saga de films et de petits films et de séries sur cet univers des dragons avec les Vikings. Moi je l'attends parce que je pense que ça sera pour voir ce que ça donne. Déjà je suis fan des Vikings et voir ce que ça va donner en adaptation parce qu'on peut voir qu'il y en a qui sont réussis et d'autres moins. Et si vous êtes fan de VO, vous pourrez le voir le lundi 9 Donc, encore en version française à 13h30 et 15h30. Et puis, il y aura une version, version originale sous-titrée français à 19h30. Donc, pour les puristes, vous serez gâtés. Et puis, il y a la suite de la rétrospective Michael Mann qui continue avec la semaine du 4-6. On aura Hit, la semaine du 11-6, on aura Collateral. Et la semaine du 18-6, on aura Miami Vice. Donc, tous les films seront proposés les jeudis à 18h, et le dimanche à 21h15, le lundi à 13h30, le mardi à 19h30. Attention, certains sont proposés à 19h, donc n'hésitez pas à aller sur le site de notre partenaire, les CGR Centres, hein, qui se décarcassent toujours pour nous faire des bonnes avant-premières et aussi des événements, puisqu'on aura aussi l'avant-première d'Avignon le vendredi 13 juin à 19h50. Encore une soirée culte qui va arriver avec Taxi Driver. Ça sera le mercredi 18 juin à 19h45. Hein, donc le film qui a vraiment révélé Robert De Niro et Jodie Foster. Hein, c'est un film culte, hein, qui a été à Cannes. Donc si vous n'avez pas vu ce chef-d'œuvre, absolument à voir, hein, avec la fameuse scène « You talking to me » qui a été reprise pendant La Haine, par exemple, et repris, parodié dans tous les sens. Donc, à voir. Et puis, il y aura aussi une soirée culte « Bienvenue à Gattaca » le mercredi 16 juillet à 19h45, que je vous encourage à voir, sur les dérives de la génétique, de l'homme parfait. Ça fait froid dans le dos. Hein. En fonction des gènes que vous avez, il vous sera pas possible d'accéder à certaines professions sur un futur qu'on n'a pas envie, mais qu'on essaye de nous mettre en route. Hein. Souvenez-vous qu'on veut vous mettre l'euro numérique, hein, pour bien vous emprisonner. Et puis, si vous n'êtes pas un gentil garçon, eh bien, vous n'aurez pas vos sous-sous. Ben voilà, c'est un peu là, si vous n'êtes pas en bonne santé, eh ben, vous êtes plutôt un déchet de l'humanité. Voilà un petit peu la conception que certains aimeraient nous faire avaler. Et puis, bien au studio, il y a Sauf qui peut, une séance suivie d'une discussion avec le collectif Notre Santé en Danger 37 et Attaque. Donc, ça sera le jeudi 5 juin à 19h au studio. Plus ensuite, on aura le rendez-vous de l'été en avant-première, suivi d'un échange avec l'actrice India Air. Et ça sera le mardi 10 juin. Et puis, bien sûr, la 27e édition du Très Court International Film Festival, le vendredi 13 juin à 19h, donc la compétition internationale, suivie de la remise des prix et d'un apéro offert. Donc, si vous ne savez pas quoi faire et que vous avez envie de voir une compétition de cinéma, ben vous pouvez vous rendre au studio. On aura aussi l'avant-première et la rencontre pour Amélie et la métaphysique des tubes. Alors, ça sera le dimanche 15 juin à 18h15. Vous pourrez échanger avec Nydia Santiago de Il Kill Film, qui est la société Tourangelle qui a coproduit le film, qui pourra répondre à toutes les questions. Et vous pourrez gagner des passes pour le Japan Tour Festival. Donc, ça peut être intéressant, hein, vous voyez. Et puis, il y a la fameuse soirée Cinébabis d'Ocar, 32e soirée Cinébabis du Festival Ocar de Tours, en partenariat avec Nanarland. Et ça, c'est le vendredi 20 juin 2025. Alors, il y aura d'abord le film à 19h, La chaîne infernale de Takang, de Lu Chien. Donc, un film de karaté foutraque. Hein. À 21h, un concert de The Rondells, du rock'n'roll exotique de Lyon. Dans les jardins des studios, donc avec un petit pot en général, c'est assez sympathique. Et puis à 22h, Le Faucon de Paul Boujna. Donc moi j'ai assisté à plusieurs fois à ces soirées, c'est entrecoupé aussi bien d'extraits de Nanarland. Alors vous avez les pires films au monde, avec des effets spéciaux minables, des doublages zéro... souvent, d'ailleurs, ça vient de Bollywood ou de Turquie, ils sont assez forts. Et là, on a deux films. J'ai vu que Le Faucon, le deuxième. Bon, c'est vrai que c'est pas un super film, mais on y va d'ailleurs pour un peu pour se marrer. Et l'ambiance est assez sympa. C'est un peu comme La Nuit de l'Horreur ou des choses à thème comme ça. Je sais pas si vous avez participé ou entendu parler de cette soirée. Alors, moi, j'en avais pas du tout entendu parler, non. Et donc, chaque année, en marge du Festival Ocar de Tours, qui est le festival, un des plus anciens festivals de la ville de Tours, avec des très éclectiques qui se passent à la Gloriette, avant qu'il se passe au Ocar, comme son nom l'indique, Vraiment, les gens de béton font un gros effort chaque année pour nous servir ce plat de rigolade. Donc, je vous conseille, hein, si vous avez envie de rigoler, passez une bonne soirée. Bien sûr, alors si vous êtes vraiment puriste du ciné, vous allez crier au scandale, mais bon, ici c'est cinéphage, on mange de tout, donc... Même des nanars. Même des nanars, et on n'a pas peur de le dire, et puis c'est ce qui fait la richesse d'un cinéma, c'est ces super films, ces mauvais films... Voilà, moi je fais avec le meilleur amour du monde, mais ça reste mauvais. Voilà, et puis il faut un petit peu encourager les talents. Hein. Qui vous aurait dit que Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, ça serait un gars qui ferait Bad Brain ou des films un peu trash comme ça. Voilà, donc faut encourager ce ciné qui derrière peut amener à des vocations. La plupart, même Spielberg, hein, quand on regarde les premiers films qu'il a fait, c'était avec ses potes, c'était foutraque. Il vaut mieux faire du foutraque et après, soit on réussit, soit on est stoppé dans notre carrière parce qu'elle est vraiment très mauvaise. Mais c'est toujours rigolo de découvrir les débuts de certains acteurs et de certains réalisateurs. Et puis, ça sera un petit peu plus tard, mais j'en parle déjà parce qu'il faut se préparer, l'été arrive. Hein. Ça sera le marathon de l'été qui revient au cinéma des studios du 4 au 6 juillet 2025. Alors ça sera 7 films en version originale sous-titrée français qui vont être proposés sur les 3 jours. C'est l'occasion de redécouvrir des pépites du célèbre studio de distribution et de production américain A24 sur grand écran. Donc je vous encourage fortement à vous diriger vers le cinéma des studios, mais aussi des CGR centres. Vous avez vu, il y a des super programmes. N'hésitez pas, c'est deux cinémas avec des gens qui se décarcassent pour vous, des gens qui aiment le cinéma en plus, donc ça fait toujours plaisir. Et si vous avez l'occasion de discuter avec les directeurs et les équipes de ces cinémas, vous vous rendrez compte que c'est pas que du business, que derrière, il y a des gens qui aiment le cinéma. Comme nous d'ailleurs. Et pour retrouver tous ces films à l'écran et leurs horaires, puisque chaque semaine il y a des programmes très alléchants, vous allez cliquer sur les sites respectifs de nos partenaires CGR Centre de Tours et Studio de Tours. Enfin, nous voici arrivés à la fin de ce cinéphage numéro 235, spécial Jean-François Alain et OSS 117. Donc, un grand merci à Jean-François Alain et à nos partenaires, les cinémas Chégère Centre de Tours, et son directeur Mehdi Belladj et son adjoint Baptiste, que je salue, hein, c'est des gens qui ont fait l'émission, et son équipe qui ont permis aujourd'hui de vous présenter cet événement de cinéma en Touraine. On remercie aussi les participants, hein, qui ont été aujourd'hui Lilian et Vincent. Merci Alain. Avec grand plaisir Alain. Qui nous ont bien accompagnés, parce que c'est toujours intéressant d'avoir des avis différents. Bien sûr, vous pouvez retrouver Cinéphage sur notre page Facebook radioactivefm.fr en podcast ou en streaming. Vous aurez bientôt la chance de découvrir notre nouveau site qui est vraiment... Comme nous, à Radioactive, on aime faire les choses bien, on prend le temps pour faire les choses de correct et vous aurez bientôt la surprise. Et pour les fans du petit écran, n'oubliez pas d'écouter aussi notre émission Cérivore qu'on fait tous les 15 jours en alternance. Et finalement aussi, n'hésitez pas à devenir l'invité de Cinéphage. Hein, c'est simple, vous contactez Radioactive Montlouis ou Amboise. Vous nous laissez un petit message si on n'est pas, parce que des fois on est en direct, donc c'est pas toujours évident, mais laissez un message ou allez sur notre Facebook Radioactive ou mon Facebook Cinéphage et Cérivore Quiz. Vous laissez un petit mot avec vos coordonnées et on se fera un plaisir de vous contacter et vous participerez avec nous à cette émission qui, je l'espère, vous distrait et vous fait découvrir ou redécouvrir des pépites du cinéma et de la télé. Voilà, et bien, sur ce, on vous dit, profitez bien de nouveaux films et dévorez-les sans modération, ainsi que les bandes originales, et à bientôt. Bye bye.